Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Grand-moment. Hello, hello, la planète. RPL, c'est Kimbo pour vous accompagner de 7h à 9h dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin. En écoute sur le 99FM, en radio numérique, sur votre radio préférée RPL. Auparavant, c'était Tonton J, son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous samedi prochain dès 6h. Nous sommes ensemble pour 2 heures de musique électronique jusqu'à 9h. Donc, si t'es au boulot, bah, je te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. En DAB+, Fréquence Club, le son qui vous va bien. Thank you. RTL Radio. What do you do? vous aime sur les ondes d'RPL. And just dance. Charlie, my man. and just dance. Les replays sur le www.frequenceclub.com. Purple wave, it makes me scream. hits like a blow, but harder, much harder. I can feel it in my brain. I became faster, faster, and I don't know pain. I can see a future. It's bright. It's cool. That's because you have purple wave. Thank you. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. La première heure de Fréquence Club s'achève. Restez calés ou allez faire un tour sur le site de la radio. Je vous rappelle, l'adresse est le www.rpl.radio. On se retrouve tout de suite. Tous les replays sur le www.frequenceclub.com. Vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.